centre décisionnel sur la colline parlementaire à Québec, Jijac Sanson. Jijac, salut. Bonjour Dominique. Comment ça va? Très bien, très bien. As-tu entendu la déclaration d'Amir Kadir? On me l'a rapporté. Je ne l'ai pas entendu de vive voix, mais on me l'a rapporté. Kadir qui veut... Il veut prendre le contrôle des ondes à Québec. C'est terrible. C'est du Québec solidaire, mais regarde, c'est allé loin hier. Commission parlementaire, le bon gauchiste Alexandre Turgeon, le bon gauchiste Bessic à pédale qui veut fermer les radios. Donc, ils ont plus d'arguments là pour le transport en commun. Là. Ils veulent nous fermer la trappe. Ben voilà. Et ça me fait toujours un peu sourire dans le cas d'Amir Kadir, parce que et de ses sbires, qui s'en prennent toujours... aux médias d'information, là, on a parlé encore de Radio Poubelle, et alors que dans mon esprit, il n'y en a plus de Radio Poubelle à Québec. Il y a de la radio d'opinion, de l'excellente radio d'opinion, bien documentée, tout ça. Les opinions peuvent être exprimées parfois avec vigueur, disons, mais c'est pas de la Radio Poubelle pour autant. Là. Alors que la gauche au Québec, que ce soit Québec solidaire, vous savez, la gauche a une violence verbale beaucoup, beaucoup plus grande que ce qu'on peut entendre dans la radio. Donne des exemples, Jijac. Quand tu t'en prends à la droite, là, tu sais, ça revole, hein? Donne des exemples, Jijac, de violence. Pas besoin d'écouter ce que Patrick Bourgeois dit, là. Le flyer qui se présente pour Option nationale, là. Patrick Bourgeois, là, c'est le site Virgile, et puis... les radicaux, là, les radicaux de la souveraineté. Il voulait venir faire placer une bombe ici. Là. Lui, je pense, entre autres, à quand Amir Kadir a interpellé Henri-Paul Rousseau en commission parlementaire. Ça a été d'une scène que je me souviens pas d'avoir vu l'équivalent à l'Assemblée nationale. C'était vraiment d'une agressivité démesurée. Là. Il se contenait plus, tu sais. Alors, il y en a eu plusieurs comme ça. À chaque fois qu'il, moi-même, il m'a interpellé pendant la dernière campagne électorale. Il m'a apostrophé sur un trottoir en disant que je semais la violence. Hey, tu sais, hein? Amir Kadir, moi, je sème la violence par mes textes, alors qu'Amir Kadir a cautionné les émeutes à Montréal. Sa propre fille a été arrêtée à deux reprises. Lui-même a été s'est fait embarquer pendant des manifestations parce qu'il refusait de se plier aux directives des policiers. Puis il dit que nous, on est violents dans nos propos ou dans nos écrits. Alors, tu sais, mais c'est une technique. Je pense qu'il maîtrise très bien cette technique-là. C'est une forme d'intimidation. Oui, c'est ça. Qu'il a développée. C'est le boulet numéro un. C'est drôle. Ces gens-là adorent parler d'intimidation, alors que c'est le boulet parfait de la gauche. Ben oui, absolument. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité.